franceinter.com. Enfin, j'attendais depuis longtemps que Monsieur X ouvre ce délicat dossier, celui des frégates de Taïwan, comme on le nomme communément. Une affaire particulièrement emblématique des mœurs politiques et industrielles des dernières années et qui a mis en lumière un formidable système de corruption, celui des rétro-commissions. Je résume à grands traits. À l'occasion d'une importante vente de matériel à l'étranger, souvent du matériel militaire, il est versé des commissions à des intermédiaires qui ont apparemment joué un rôle dans l'attribution du marché et qui rétribuent à leur tour les autorités politiques du pays acheteur. Une corruption assez classique, mais en retour, ces mêmes intermédiaires reversent une partie de leurs gains aux donneurs d'ordre français qui ont initié la vente, c'est ce qu'on appelle les rétro-commissions. On en a récemment beaucoup parlé à propos de l'attentat de Karachi et de la vente de sous-marins au Pakistan. Selon l'avocat des familles des victimes de l'attentat, Jacques Chirac, soupçonnant que des rétro-commissions avaient alimenté la caisse électorale de son rival Édouard Balladur, aurait décidé, dès son accession à la présidence de la République, de fermer le robinet des commissions qui restaient à verser. Mais, du même coup, il aurait suscité la colère des décideurs pakistanais corrompus. Et ceci, pour se venger, aurait commandité cet attentat où une dizaine de nos compatriotes ont trouvé la mort. Un système semblable de corruption a donc été mis en place lors de la vente en 1991 de 6 frégates ultramodernes à la marine de Taïwan. Et les points de comparaison entre les deux affaires sont nombreux, à commencer par l'existence du même fournisseur d'équipements militaires, la DCN, Direction des Constructions Navales, et surtout l'utilisation abusive par les gouvernements successifs, de gauche et de droite, du secret défense pour dissimuler quelques vérités dérangeantes. Et si, dans le ténébreux dossier des frégates, on ne trouve nul attentat, il faut quand même souligner que ces divers développements ont causé, directement ou indirectement, la mort d'une demi-douzaine de personnes. C'est d'ailleurs par la relation des circonstances de l'une de ces morts très suspectes que M. X a choisi de commencer ce nouvel entretien. Tes papiers, tes cartes, tes rôles, et tu te retrouveras par terre. Corruption. À la DGSE, on l'appelait le petit, ou encore l'américain. Et pourquoi ces deux surnoms, là ? Oh, bon, le premier, c'est assez simple. Hein. Thierry Imbeaud avait une taille inférieure à la moyenne. Comme son père, d'ailleurs. Vous vous souvenez, le général Imbeaud ? Ah oui, c'est celui qui a été nommé à la tête de la DGSE après le scandale du Rainbow Wire. En 1985, oui. Mm. Et vous vous souvenez sans doute de son apparition très martiale à la télévision, tout de suite après sa nomination. Ouais, je vais verrouiller et couper les branches pourries, c'est à peu près ça. Hein. Eh bien, son fils Thierry avait lui aussi, en dépit de sa taille modeste, une allure décidée et sportive. Et son deuxième surnom, là, l'américain ? Bah, au sein des services secrets, il avait la réputation d'être très proche des Américains. Mm. Trop proche ? C'est ce que pensaient certains. Et puis, quand il a quitté la DGSE, il a longtemps vécu aux États-Unis. D'ailleurs, quand il est mort en octobre 2000, il venait tout juste de rentrer en France. Alors, les circonstances de sa mort, justement. Son épouse, une journaliste américaine, et ses deux enfants devaient le rejoindre à Paris. Et Imbeaud avait trouvé un superbe appartement rue Jean-Goujon. Ouais, près des Champs-Élysées. C'est ça. Mmh. Il n'avait pas vraiment emménagé, ni même signé de contrat de location, mais ses meubles et ses affaires étaient arrivés le matin même de sa mort. Et il avait pu les entreposer dans cet appartement vide, situé au quatrième étage d'un très bel immeuble. Il avait donc commencé à déballer quelques cartons, puis en début de soirée, il s'était rendu dans le petit studio du 6e arrondissement que lui prêtait provisoirement son père, sans doute pour dîner. Et ensuite, il était revenu rue Jean-Goujon. Il était quelle heure, là ? 22 ou 23 heures. Mmh. Mais s'il revient, là, c'est pour continuer à ranger ses affaires ? Oh, vraisemblablement, car sa famille doit arriver 2 jours plus tard. Donc, il lui faut mettre un peu d'ordre dans cet appartement où lui-même n'habite pas encore. Mais un peu après 23 heures, c'est le drame. Thierry Imbeaud est retrouvé mort sur le pavement de la cour intérieure de l'immeuble. Mmh. Il est tombé, donc, du quatrième étage. En pleine nuit. La police judiciaire procède aux premières constatations et les enquêteurs se font ouvrir l'appartement par le concierge. Ils observent d'abord que la porte n'est pas fermée à clé. Elle a simplement été claquée. De l'intérieur ou de l'extérieur, donc ? Évidemment. Ouais, ouais. Autre observation, une fenêtre est ouverte et les volets sont repliés à demi. On pense donc qu'Imbeaud est tombé par là. Forcément. Et les enquêteurs se disent qu'il a dû chuter en essayant de fermer ses volets. Il aurait basculé. À par-dessus la rambarde qui protégeait cette fenêtre, oui. Il y a quand même un détail bizarre. Aucune lampe n'est allumée dans l'appartement. Or, comme il faisait déjà nuit au moment où Imbeaud est tombé, bah, s'il était vraiment occupé à fermer ses volets, il aurait laissé au moins une lampe allumée. Ouais, pour y voir clair. Hein. Et puis, réfléchissez. Pourquoi fermer les volets d'un appartement qu'on n'occupe pas encore et où on ne couchera pas ? Ah, peut-être pour ne pas être vu des voisins ? Peut-être. Mais encore une fois, Imbeaud n'avait pas l'intention de passer la nuit dans cet appartement où rien n'était installé et avait l'intention de coucher dans le studio que lui prêtait son père. Non, je vous assure que tout cela n'est pas très logique. Mmh. Sinon, les policiers n'ont rien constaté d'insolite ? Absolument rien. Ils ont donc attendu l'autopsie pour en apprendre éventuellement plus ? Naturellement. Toutefois, le légiste n'a pu que constater des blessures et fractures causées par la chute, mais aucune marque suspecte. Cependant, avant même d'avoir obtenu les résultats de l'autopsie, les policiers ont fait une constatation très intéressante. Le corps de Thierry Imbeaud ne se trouvait pas à l'aplomb de la fenêtre par laquelle il est passé, mais un peu en retrait et surtout relativement loin du mur de l'immeuble. Ouais, comme s'il avait sauté. Ou qu'on l'avait poussé. Alors, aurait-il pu se suicider ? Bah, pour tous les gens qu'il connaissait, parents ou amis, l'hypothèse est absurde. Imbeaud était heureux de retrouver son pays, heureux d'y accueillir sa famille américaine, et ses affaires semblaient florissantes, puisqu'il pouvait louer un bel appartement dans le quartier le plus cher de Paris. Mais si vous le voulez bien, je reviendrai sur sa vie professionnelle. Ouais. Donc, si on élimine le suicide, il n'y a que 2 explications possibles, hein. L'accident ou l'assassinat. Et disons-le tout de suite, la conclusion de l'enquête privilégie la thèse de l'accident. Officiellement, Thierry Imbeaud est tombé alors qu'il fermait ses volets, sans doute déséquilibré par un coup de vent. Est-ce qu'il y avait du vent ce soir-là ? Un vent modeste, pas plus de 60 km à l'heure d'après la météo, mais je vous rappelle que la fenêtre donnait sur une cour intérieure où le vent devait souffler beaucoup moins fort. En outre, je vous l'ai dit, Imbeaud était un sportif, un costaud. Et puis il y avait une rambarde. Pas très haute, c'est vrai, un peu plus de 70 cm. Mais dans cet immeuble où toutes les fenêtres des étages étaient ainsi équipées, on n'avait jamais connu d'accident semblable. Autre point là qui pourrait expliquer l'accident. Était-il difficile de fermer les volets ? Est-ce que si c'était le cas, en forçant un peu, un beau aurait pu faire un faux mouvement et tomber ? Eh bien non, non, non. Les volets fonctionnaient à la perfection et ne nécessitaient aucun effort à la fermeture. Bref, si je vous ai bien compris, vous penchez pour la thèse de l'assassinat. D'autant plus que dans cette affaire, celle des frégates de Taïwan, il y aura d'autres morts par défenestration. C'était même une sorte de spécialité taïwanaise. Enfin, n'allons pas trop vite. Ça, j'ai l'habitude. Hein. Mais en l'absence d'indices prouvant qu'un bateau avait été poussé, les enquêteurs ne pouvaient conclure qu'à l'accident. En réalité, le ou les médecins légistes qui ont examiné le corps ont écrit que les constatations qu'ils avaient faites étaient compatibles avec la thèse de l'accident. C'est un petit peu différent. Ah ouais, parce que ça n'exclut pas formellement l'hypothèse de l'assassinat. Voilà. Toutefois, il existe dans le rapport final rédigé par les enquêteurs une phrase très troublante. Et pourquoi ? Parce qu'elle est tellement absurde qu'elle donne l'impression que ces policiers ont été fermement incités à privilégier la thèse de l'accident. Bah, cette phrase alors ? Bon, écoute, je ne la connais pas par cœur, mais ça donne à peu près ceci. Le passé d'ancien agent secret de Thierry Imbault ne le conduisait pas à travailler sur des affaires sensibles et ne générait donc pas de menaces physiques. Oui, alors que c'est tout le contraire. Bien évidemment, parce que la spécialité d'Imbault, le commerce des armes, est un secteur particulièrement sensible. Et dangereux. Hein. Est-ce que Thierry Imbault là, avait fait part à ses proches, enfin je pense en particulier à son père, hein, ancien patron de la DGSE, d'éventuelles menaces ? Je ne crois pas. Mais 4 jours avant sa mort, il avait eu un très curieux accident. C'est en tout cas ce que son père a révélé aux enquêteurs. Et racontez, là. Il avait stationné sa voiture de location dans cette même rue Jean Goujon et il devait peut-être repérer le quartier où il avait décidé de louer un appartement. En sortant de la place de stationnement où il avait garé son véhicule, une autre voiture qui roulait très vite l'avait alors violemment accroché. Et il avait eu l'impression que ce n'était pas un accident banal. C'est ce qu'il a laissé entendre à son père, parce que le chauffard ne s'était pas arrêté. Ah oui, il a pris la fuite. Oui. Et Imbault a été blessé ? Non, mais il a été choqué et il avait même l'intention d'aller passer des radios à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Ouais. Et cet accident aurait pu être déjà une tentative d'assassinat ? Ou plutôt un sérieux avertissement. Une façon un peu brutale de lui signifier qu'il ne devait rien révéler de ce qu'il savait du dossier des frégates de Taïwan. Monsieur X a, assez rapidement, éliminé l'hypothèse du suicide dans la mort de Thierry Imbault. Et il a eu raison, si j'en juge par cet extrait du livre de Karl Lask, « Des coffres si bien garnis, enquête sur les serviteurs de l'État voyou ». Vers 20h environ, il avait téléphoné à son père en Provence pour lui dire qu'il était très content de son installation. L'appartement était grand, 170 mètres carrés, proche du rond-point des Champs-Élysées. Thierry Imbault vivait aux États-Unis depuis 1994. Il avait décidé de revenir s'installer en France avec sa femme, Suzanne, une ancienne journaliste de CNN, et leurs 2 enfants. Il attendait leur arrivée pour le surlendemain. Il prévoyait de déballer les cartons le lendemain. Des déballeurs devaient venir ainsi que ses parents dans l'après-midi. Vers 20h, il avait aussi appelé Suzanne depuis l'appartement de son père. Il lui avait annoncé que les déménageurs avaient fini, qu'il était content que la pluie n'ait pas perturbé les choses. Il était assez euphorique. Comme lors de son précédent appel, plus long dans l'après-midi, lorsqu'il lui avait décrit l'appartement, il lui avait dit qu'il n'y aurait pas besoin d'installer des rideaux immédiatement parce qu'il y avait des volets. Thierry Imbault n'a pas précisé ce qu'il avait prévu de faire dans la soirée. En tout cas, il est retourné à l'appartement de la rue Jean Goujon. Avant d'en venir aux éventuels mobiles des assassins, s'il y a eu assassinat, à votre avis, comment les choses se sont passées ? Étant donné que les enquêteurs n'ont relevé aucune trace d'effraction sur la porte blindée de l'appartement, ni même sur la porte de service qui était fermée à clé de l'intérieur, on peut imaginer que le ou les assassins ont été reçus par un beau. Un rendez-vous ? Pourquoi pas ? Mmh. Vous savez bien qu'il existe aussi des spécialistes qui savent ouvrir les portes sans faire de dégâts, même celles qui sont pourvues de systèmes de fermeture très sophistiqués. Dans ce cas-là, alors, un beau aurait été surpris ? Oui, et sous la menace d'une arme, il aurait pu être conduit jusqu'à la fenêtre. Mais bien sûr, tout ça n'est que pure spéculation. Plus sérieusement, l'ancien agent secret, déjà ébranlé par son accident d'automobile, semblait soucieux. Eh ben, c'est un peu contradictoire là, avec ce que vous m'avez dit précédemment à propos de la thèse du suicide. Pas du tout. Il était réellement heureux de retrouver son pays et bientôt sa famille, mais il pouvait aussi avoir des soucis d'un autre ordre. Professionnel. Si vous voulez. L'un de ses amis, qui ne s'est exprimé que 2 ans après sa mort, a même affirmé que Thierry Imbeau était sur le qui-vive. Le qui-vive. Il craignait quelque chose. Oui, selon cet ami qui travaillait lui aussi dans le même secteur. Le commerce des armes, donc. En effet. Et il a été plus précis, cet ami là. Pour lui, c'était lié à l'affaire des frégates de Taïwan. Imbeau lui avait donc fait des confidences. Et même plus, car il lui avait demandé de lui rendre un service. Une mission directement liée à cette affaire des frégates. Il faut m'expliquer. Imbeau voulait joindre un général taïwanais et il a chargé cet ami de le contacter. Ou à Taïwan ? Bien entendu. Et cet ami a fait le voyage, donc. Et ça signifie en tout cas qu'Imbeau ne désirait pas se rendre lui-même là-bas. Ça me semble évident. Et pourtant, il connaissait parfaitement ce pays où il avait été longtemps en poste. Est-ce que l'ami là, a pu joindre ce général ? Non. Non, parce que la veille du jour prévu pour leur rencontre, le général a été victime d'un grave accident de voiture. Ah oui. Comme vous ne croyez pas aux coïncidences. Quoi qu'il en soit, l'ami est donc revenu bredouille. Mais ce n'est pas tout. Imbeau lui a aussi confié qu'il savait tout de l'affaire des frégates et des fabuleuses commissions qui avaient été versées à l'occasion de la signature du contrat. Il a même ajouté que les informations qu'il détenait étaient explosives. À condition de les rendre publiques. Bien entendu. Or, le lendemain du jour où Imbeau a trouvé la mort, il avait rendez-vous avec un journaliste. Il avait décidé de parler. On peut le penser. Par conséquent, quand ce marchand d'armes a appris la mort de son ami, il a immédiatement pensé qu'on avait voulu le faire taire à jamais. Oui, c'est assez logique. Et c'est aussi ce que pensent tous les gens qui ont connu Imbeau. L'ancien agent secret en savait trop. Et on craignait qu'il ne se mette à déballer tout ce qu'il connaissait. Mais pour quelle raison ? Car l'affaire des frégates datait du début des années 90 à peu près. Et Imbeau est mort en 2000. Alors, pourquoi parler si longtemps après ? Il estimait peut-être ne pas avoir été traité comme il le méritait. Dans sa vie professionnelle ? C'est très possible. Mais je vais y revenir tout de suite. Et ce « on » là qui redoutait ces révélations, ce serait qui ? Il peut s'agir par exemple des gens qui avaient bénéficié de ces énormes commissions ou rétro-commissions. Plutôt les Français, par conséquent. C'est ce que je crois. Ils ont sans doute fait appel à des tueurs professionnels, des spécialistes en quelque sorte. Et je vous l'ai dit, d'autres personnes qui ont eu à connaître ce dossier ou sont intervenues dans cette affaire ont aussi trouvé la mort par défenestration. Ouais. Et avant d'y venir, là, et le père, là, le général Imbeau, sait-on ce qu'il a pensé ? Il a d'abord cru à l'accident, mais très peu de temps, autant qu'on puisse le savoir, car le général Imbeau n'est pas un bavard. Il n'a donc pas accepté, finalement, les conclusions des enquêteurs. Et pour cela, cet ancien patron des services secrets avait sans doute de bonnes raisons. Mais je vous propose maintenant de revenir sur la carrière de Thierry Imbeau. Je vous écoute. Cet officier est entré à la DGSE à la fin des années 70. Une excellente recrue, car le jeune homme avait fait de solides études. Ayant passé 2 ans dans une université taïwanaise, il parlait un excellent mandarin. Déjà Taïwan. Oui, mais il bénéficiait également d'une bonne formation bancaire. Et d'ailleurs, dès son entrée dans les services secrets, il a été affecté dans une grande banque afin de perfectionner ses connaissances et d'en faire profiter d'autres officiers de la DGSE. Donc c'est plutôt un espion de bureau. Non, il a aussi participé à quelques missions actives, mais peu importe. Quand son père est nommé à la tête du service, Imbeau Junior est affecté au poste de Pékin. Puis il rejoint Washington. Ah, ça c'est une affectation prestigieuse. D'autant plus qu'il arrive là-bas au moment où va s'engager une première guerre du Golfe. Mais que se passe-t-il un peu plus tard ? Ce n'est pas très clair. Toutefois, ça ressemble à une sanction. Le nouveau patron de la DGSE, Claude Siberzan, l'envoie à Taïwan. Mais vous avez quand même une idée, non? Eh bien, il lui aurait été reproché de se livrer à des activités parallèles. De quel genre? Profitant de son carnet d'adresses, il aurait fait des affaires. Mais je vous l'ai dit au début de cet entretien, on le jugeait aussi trop proche des Américains. Ouais, d'où son surnom, l'Américain. Hein. Mais je vous avoue que je n'en sais pas plus. Au début des années 90, il se trouve donc à Taipei, la capitale de l'île de Taïwan. Officiellement, il appartient à la mission commerciale française. C'est sa couverture. Et officieusement, il surveille de très près les ventes d'équipements militaires et d'armes françaises à la Chine nationaliste. Parmi lesquelles, donc, les fameuses frégates. Et aussi des Mirage 2000 et des missiles. Il est donc au premier rang, là, si je puis dire, pour connaître le secret des négociations. Et également l'identité des intermédiaires et le montant des commissions qu'ils perçoivent. Et j'imagine qu'il rencontre régulièrement à ses supérieurs à Paris. Naturellement. Ça veut donc dire que les patrons de la DGSE n'ignorent rien des tractations. C'est évident. Mais tous les rapports qu'envoie Imbault sont couverts par le sacro-saint secret défense. Ouais. Et les autorités politiques ne permettront jamais la levée du secret défense. C'est pourquoi de Gerlas, le juge d'instruction, Van Ruymbeck, chargé d'élucider cette affaire des commissions, finira par délivrer une ordonnance de non-lieu en 2008. Mais encore une fois, n'allons pas trop vite. Je reviendrai sur l'enquête de ce juge particulièrement pugnace. En attendant, voyons la suite de la carrière de Thierry Imbault. En 1993, il quitte la DGSE et Taïwan. La vente des frégates est alors acquise. Et c'est aussi le moment où l'affaire commence à sentir mauvais. Un homme que Thierry Imbault connaît très bien, un colonel de la marine taïwanaise, Yin Fen, est retrouvé mort au large des côtes. Un assassinat? Absolument. Or, cet officier était chargé des achats de la marine. Il avait l'intention de faire des révélations sur les pots de vin distribués lors de la vente des frégates. Encore plus inquiétant pour les promoteurs de cette affaire, il s'était rendu en France sur le chantier de l'Orient où on construisait les frégates. Et d'après certaines informations, il avait relevé quelques détails très négatifs. Quoi? Des anomalies. D'une malfaçon. Et peut-être autre chose, on en reparlera. Quoi qu'il en soit, à son retour chez lui, il avait bien l'intention de rendre public ce qu'il avait observé à Lorient, quitte à remettre en cause le contrat. Ah oui, alors on l'a donc supprimé à temps. C'est donc le premier mort de l'affaire des frégates de Taïwan. Et à Taipei, ça fait l'effet d'un coup de tonnerre. Curieusement, on va voir s'égayer très vite dans la nature quelques-uns des personnages qui sont intervenus dans la vente. Et le fait que Imbault quitte Taïwan, a-t-il un rapport avec cet assassinat? Franchement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que si on rapproche les dates, on peut se poser des questions. Thank you. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Quelques détails sur la mort du colonel ou capitaine Yin. Je les ai trouvés dans une interview du procureur taïwanais Ke Shibin par un journaliste du Parisien. La marine taïwanaise a tout fait pour étouffer l'affaire et on ne sait toujours pas aujourd'hui qui fut la dernière personne à voir le capitaine vivant. J'ai eu le plus grand mal à enquêter puisque les militaires ont divisé le dossier en trois. Un volet corruption, qu'ils se sont attribués pour mieux couvrir les militaires impliqués. Un volet fuite du secret défense, confié à un procureur de la capitale. Et l'enquête sur le meurtre qu'on m'a laissé. À chaque fois que je faisais des demandes d'information à l'armée, je n'avais aucune réponse. Je n'ai pas pu obtenir qu'on me communique les enregistrements réalisés par le capitaine lui-même. Dans les jours qui ont précédé sa mort, il avait enregistré un certain nombre de discussions. Il voulait se couvrir sans que l'on sache de quoi. Les cassettes que l'on m'a rendues avaient été effacées. L'armée voulait que je privilégie la thèse du suicide, alors que tout démontrait que le capitaine avait bien été assassiné. Le corps ne présentait aucune blessure apparente, mais l'autopsie a montré qu'il avait reçu un coup sur la carotide, qu'il avait eu une hémorragie cérébrale causée par un choc, et surtout que ses poumons ne contenaient pas d'eau de mer. Après Taïwan et la DGSE, que fait Thierry Imbeau ? Il se lance dans les affaires. Et semble-t-il, il avait commencé avant même de quitter les services secrets. C'est très probable. Et il va exploiter au mieux l'expérience qu'il a acquise. L'expérience et aussi les précieuses relations qu'il a nouées à Taïwan ou ailleurs. Toujours dans le domaine du commerce des armes. Entre autres, oui. Il devient donc consultant et s'installe aux États-Unis. Mais il ne cesse de voyager. Pour ses affaires. Bien sûr. Il travaille donc pour de grands groupes français ou étrangers et s'intéresse particulièrement à l'Afrique. Ah, c'est le terrain de chasse favori des marchands d'armes. En effet. C'est ainsi qu'il est amené à collaborer avec l'homme clé de l'Angola Gate. Ah, Pierre Falcone. Oui. On apprendra même lors de la découverte de cette affaire en 2000 que Thierry Imbeau était généreusement rétribué par Falcone. Y avait-il gardé des liens avec la DGSE ? Mais vous savez bien, et je vous l'ai toujours dit, quand on a appartenu à un service de renseignement, on ne le quitte jamais tout à fait. Surtout quand on travaille dans un secteur aussi sensible, même si on n'est pas toujours en odeur de sainteté. Et tout à l'heure, vous m'avez laissé entendre que si Imbeau s'était peut-être décidé à révéler ce qu'il savait du dossier des frégates de Taïwan, c'est qu'il n'avait pas été traité comme il estimait devoir l'être. C'est une hypothèse, oui. Peut-être pensait-il qu'il avait rendu de grands services et qu'il n'était pas récompensé à la mesure de ce qu'il avait fait. Dans certaines de ses affaires, il n'aurait pas été soutenu par les autorités françaises ou par les grands groupes avec lesquels il travaillait. Thomson, par exemple. Mais encore une fois, je n'ai aucune preuve. En tout cas, on ne se met pas en danger en menaçant de révéler la vérité sur une affaire aussi considérable que celle des frégates de Taïwan, sans de bonnes raisons. C'est tout ce que je puis dire. Le colonel taïwanais Yin a été le premier mort de cette affaire, avez-vous dit. Thierry Imbeau a-t-il été le dernier ? À ma connaissance, non. Au printemps 2001, on a appris le décès d'un autre homme mêlé à l'affaire qui est mort à peu près comme Imbeau. Qui ? Un certain Jacques Morisson, retrouvé mort dans la cour intérieure de son immeuble de Neuilly, après une chute de 5 étages. C'est en effet ça, assez troublant. Et quel était le rapport de cet homme-là avec l'affaire des frégates ? Morisson, ancien officier de marine et spécialiste des systèmes de détection, avait quitté l'armée pour un engagement chez Thomson. Oui, Thomson, il faut le rappeler, c'est l'une des deux sociétés chargées de construire et équiper les frégates. L'autre étant la DCN, la Direction des Constructions Navales. Mais nous verrons cela plus précisément dans un prochain entretien, car je m'aperçois que j'ai déjà été très long. Morisson, donc, a été chargé par le groupe Thomson de suivre les négociations du contrat avec les Taïwanais, du point de vue technique, bien sûr. Et pour cette raison, il s'est installé à Taipei. Encore un homme qui connaissait donc parfaitement le dossier. Oui, lorsqu'il est revenu définitivement en France, il a confié à ses proches qu'il était très inquiet. Certains ont même dit qu'il était terrorisé. À cause de ce qu'il savait ? Ça me paraît évident. Il avait conscience d'être l'un des derniers témoins. Et peu de temps avant sa mort, il pensait même déménager et vivre sous une nouvelle identité. Mmh. Mais pour échapper à cette menace, là, n'aurait-il pas décidé, au fond, d'en finir ? Un suicide ? Non, non. D'après sa compagne, il n'était nullement suicidaire. Mais c'est vrai qu'il prenait des antidépresseurs pour apaiser ses angoisses. En tout cas, en l'absence de tout indice probant, la police conclura au suicide. Mais comme pour un beau, quoi. Mmh. D'autres morts suspectes ? Un Taïwanais, un nommé James Kuo. Celui-là était un employé de la succursale de la Société Générale à Taipei. Et il suivait particulièrement les comptes des chantiers navals de Taïwan qui avaient passé commande des frégates au nom de la marine de l'île. Un curieux personnage, ce Kuo. Vous m'avez raconté ? Lorsqu'un nouveau dirigeant de la banque française avait été nommé à Taipei, Kuo avait aussitôt demandé à s'entretenir avec lui. Il y avait selon lui beaucoup de créances dont la banque n'obtiendrait jamais le remboursement. Mais c'est la suite qui est intéressante. Kuo avait ajouté « Ici, il y a un moyen radical pour faire payer les débiteurs. On fait appel au gang des bambous. » Qu'est-ce que c'est que ça ? Une organisation criminelle qui menace physiquement les mauvais clients. Et si ces derniers n'obtempèrent pas, bah, ils sont liquidés avec une méthode imparable qui est en quelque sorte la signature du gang. La défenestration. Je vois où vous voulez en venir. Hein. Or, quelques années plus tard, Kuo allait lui-même tomber d'une fenêtre de l'immeuble de la Société Générale. Hmm. Encore un pseudo-suicide ? Vraisemblablement. Hmm. Mais pourquoi alors ? Depuis quelque temps, Kuo, un peu trop bavard, racontait que les chantiers navals taïwanais allaient faire faillite à cause des commissions faramineuses de l'affaire des frégates. En outre, c'était un ami du fils d'Andrew Wang, un des personnages clés du dossier, dont je vous parlerai dans notre prochain entretien. Mmh. D'autres morts ? Encore un Taïwanais, le neveu du colonel Yin. On l'a retrouvé mort dans sa baignoire, à Montréal. Dans l'eau du bain, il y avait un sèche-cheveux encore branché sur le courant. Mort par électrocution, donc. Et d'après son père, le frère du colonel, donc, le jeune homme aurait reçu en dépôt de son oncle des documents concernant l'affaire des frégates. Mais là encore, l'homicide n'a jamais pu être prouvé et la police a conclu un accident. Ça me semble pourtant invraisemblable de se sécher les cheveux avec un appareil électrique en prenant son bain. Je suis d'accord avec vous. Enfin, si vous le voulez bien, une autre mort, sans doute la plus mystérieuse, celle de Jean-Claude Albessard. Ouais, qui était-ce ? Ancien officier de marine, lui aussi, il était passé au service de Thompson. Basé à Tokyo, il était devenu le représentant du groupe pour l'Extrême-Orient et l'essentiel de ses activités consistait en achat de composants électroniques. Mais c'était avant l'affaire des frégates, car lorsque la DCN associée à Thompson va nouer des contacts avec les autorités de Taïwan, c'est Albessard qui va conduire les premières négociations. Mais il a les qualités pour cela ? Oui, de l'avis général, ce personnage très discret est non seulement un homme d'affaires avisé, mais aussi un diplomate né. Ah oui, alors l'homme idéal. En quelque sorte. Ouais. Et puis, basé de longue date en Extrême-Orient, il connaît bien le monde asiatique. En outre, il se murmure que Jean-Claude Albessard est aussi un honorable correspondant de la DGSE. Or, dans une affaire de cette ampleur, les services secrets ne peuvent être absents. D'autant qu'en l'occurrence, une vente d'équipements militaires à la Chine nationaliste ne pourra manquer de susciter l'hostilité de la République populaire de Chine. Ouais, il faut donc jouer finement. Et le plus secrètement possible, car les services secrets de Pékin sont eux aussi à l'affût. Mais ils ne sont pas les seuls, car jusque-là, Taïwan était une chasse gardée du complexe militaro-industriel états-unien. Et Albessard a rempli sa mission avec succès ? Oui, mais quand en 1993, ça commence à tourner au vilain, après la découverte en mer du corps du colonel Yin, Albessard ressent une pressante envie de quitter Taïwan pour regagner son poste de Tokyo. Il part précipitamment. Et dans son avion, il y a une autre figure bien connue, ce monsieur Wang, que j'ai déjà brièvement évoqué. Ces deux hommes auraient donc eu éventuellement quelque chose à voir avec l'assassinat de l'officier taïwanais ? Pourquoi pas ? Leur hâte à quitter Taïwan est quand même étrange, non ? Donc Albessard rejoint Tokyo. Hein. Mais en 2000, cet homme qui connaissait tous les secrets de l'affaire des frégates meurt d'un cancer foudroyant. Bah ça, c'est une mort naturelle, non ? Eh bien, peut-être que non. Car dans les milieux du renseignement, on émettra l'hypothèse que son cancer a été provoqué par une source radioactive placée sous son fauteuil de bureau. Un mode opératoire redoutablement efficace déjà utilisé par les services secrets, surtout à l'Est. Alors si c'est vrai, c'est donc encore un homme qui en savait trop qu'on a éliminé. Il faudrait peut-être ajouter à cette liste deux autres morts suspectes, dont celle d'un autre représentant de Thompson. Alors, si je vous ai bien compris, nous continuons à parler des frégates la semaine prochaine. Oui, et nous rencontrerons quelques personnages bien connus, tels que Roland Dumas, Christine de Viejoncourt, Alfred Sirven ou encore Alain Gomez, le patron de Thompson. Mais en décortiquant avec vous ce dossier complexe, vous vous apercevrez aussi que les bénéficiaires des commissions et rétro-commissions ne sont pas peut-être les seuls qui ont armé le bras des assassins. Confirmation des propos de M. X sur Jean-Claude Albessard, dans le livre de l'ancien juge d'instruction Thierry Jean-Pierre, Taiwan Connection, sur l'affaire des frégates. Jean-Pierre fait aussi allusion à la méthode d'irradiation qui aurait été utilisée pour tuer le représentant de Thompson. Et il ajoute ce portrait. Svelte, bronzé, cheveux courts légèrement grisonnants, vêtu avec une grande élégance, Albessard est un homme mystérieux. Cet ancien officier de marine a choisi de faire une seconde carrière chez Thompson, dont il est depuis quelques années le représentant en Extrême-Orient. Installé à Tokyo, marié à une japonaise, il passe pour être un honorable correspondant de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, le service de renseignement français. Sa curieuse signature de longues lettres allongées qui semblent prisonnières de quatre traits d'encre tracés au cordeau semble désigner un caractère secret, introverti. Deux autres livres, outre celui déjà cité de Karl Lask, « Le complot des paranos d'Héry Routier » et « Marchand d'armes » de Jean de Tonquédec. Autant d'ouvrages dont vous trouverez les références sur franceinter.com, un site qui vous permettra en principe de réécouter en balado-diffusion cette émission. À samedi prochain, Rebecca Denante et Pierre Firtion ont préparé cette émission. Merci aussi à Michel Biou qui l'a réalisée et à Monsieur Joub qui l'a mise en musique. Et tout de suite après le flash, CO2, mon amour de Denis Chessou.